Top 10 des smartphones les plus performants, les marques chinoises en tête, avec le Vivo X-Play 5 Elite en tête, le Leoco Max 2 en seconde position, un Lenovo en troisième position, le Xiaomi 5 en quatrième position, la marque des iPhones, après viennent la marque coréenne Samsung Galaxy 7 et deux iPhones.